K.O. Mike, D.T. Balkanic Music. Proche du quart de siècle, quand je squatte le 16, on check le dièse et on prête attention. On constate que je pèse, je vais le prophète, que l'état se taise. J'ai la parole sombre et je rêve d'être comme les autres. Sortir la tête de l'étau que mes épaules portent. Le poids de l'Auréal, l'or de l'Auréal ne fait pas partie de mon réel. Mes rires, les larmes les étouffent. Dis-moi pourquoi construire quand les schlags font qu'en une seconde y'a tout qui s'écroule. J'ai pas la forme, frère, j'ai plus la force. Faire des tonnes d'efforts, merde. On m'a promis et volé tant de rêves à la fois qu'ils crèvent tous à la fin. Une balle dans un flingue, la main sur la détente. Des rêves j'en ai eu des tas, il ne reste que des cendres. Attristé par la vie, affligé par ma vue. Pourtant je voulais faire de belles choses, de belles proses. Par habitude je récapitule la vie, ne m'a jamais offert de belles roses. J'ai plus rien à perdre. Comme une meuf qui se fait doigter Ken. J'ai pas que ça à faire. Je fais des écrits sombres en pensant que ça va changer ma vie. La conscience de mes mots est lourde. Je m'en bats les reins de ton avis. Susceptibles sont ceux qui m'écoutent. Bellec au faux cul. Manque de respect à ta daronne. Tu finiras pendu. J'ai connu l'art d'être balancé gros par des intellos. Des représailles à la récré. Hey, l'époque des ragots. Après la mort, y'a quoi? Qui peut le savoir? Personne n'est revenu. La jungle, c'est pas pour moi. Car je serais choqué de voir un de mes revenus. Tricuyer ses bouteilles. Ah, j'imagine pas le nombre. Détruit sera mon squelette boy. T'imagines pas le comble. Les meufs c'est comme un flash, gros ça brille puis ça s'éteint. Mes fâches des taffes toute la semaine, un jour ça fait s'éteint. Tu peux m'appeler nicotine car de mon son t'es accro. Je taperai jamais dans ta meuf, je veux pas finir ses repos.